Laurence anime cette émission en compagnie d'une équipe de collaborateurs. Chroniques, entrevues, reportages, capsules, revues de presse et tables rondes vous font découvrir sous toutes ses facettes les arts visuels à Québec. Communication, culture. Bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices. Vous êtes à l'écoute de l'Aérospatiale, votre magazine radio sur les ondes de CKRL 89.1 à Québec, donc dédié entièrement aux arts visuels. Pour notre dernière émission de 2018, on partage nos coups de cœur avec l'équipe. On a 7 collaboratrices qui sont présentes en studio en ce moment. Donc, je vous les présente, vous connaissez leur voix. D'abord, Delphine Eggespard, bonsoir. Bonsoir. Anne-Sophie Omer, bonsoir. Bonsoir. Claire Dumoulin. Bonsoir. Marie-Claude Drolet. Bonsoir. Lauriane Thibaudot. Allô, allô. Et Audrey Caro. Salut. Alors, les filles, je vous ai demandé de me partager vos coups de cœur et puis on va les partager aujourd'hui avec les auditrices, les auditeurs de l'émission. Mais d'abord, on va prendre une petite pause audio avec la dernière sélection audio de Simon Roy pour l'année 2018 qui nous présente Unconceptual, qui est un trio russe qui nous offre une musique qui est assez expérimental, down tempo, une musique d'ambiance. On va écouter aujourd'hui des extraits de leur nouvel album éponyme qui vient de paraître cette semaine sur la plateforme Internet Archive. Et c'est le genre de musique que j'écouterais, mettons, pour un voyage sur la planète Mars, vous allez voir. Alors, pour cette revue de l'année 2018 où on partage nos coups de cœur pour les expositions en art visuel et d'autres événements, là, il y a plein de choses à discuter tout au long de l'émission. Mais d'abord, je pensais parler des expositions de la Galerie 3 parce qu'il y a eu deux coups de cœur qui sont allés vers cette galerie. On a Lauriane Thibodeau qui est tombée en amour avec Sherry Boyle. Et on s'est rendu compte aujourd'hui que c'était une expo qui a eu lieu l'année dernière. Mais c'était en fin d'année. Donc, c'est ça que je me suis dit. Puis on a encore le goût d'en parler de cette belle exposition-là. Et puis Delphine qui est tombée en amour avec la très belle expo Le Grand Écart de BGL. Toujours en cours jusqu'à demain. Oui! D'ailleurs. Venez me voir. Oui, donc Audrey qui nous dit d'aller voir l'exposition demain. Tu vas être là, tu vas être au poste demain, Audrey. Comme Audrey Caron. Toujours. On peut voir mon joli minois, mais beaucoup de très belles œuvres aussi. Donc, des belles œuvres, comme l'année dernière, Lauriane, il y avait Sherry Boyle qui présentait The Smile at the Bottom of the Ladder. Et pourquoi c'est ton coup de cœur? Ben tout d'abord, je l'assume, j'ai triché, on rendu compte aujourd'hui même qu'en fait ça faisait pas tout à fait partie de 2018, mais que ça faisait partie de la dernière année puisque l'expo était jusqu'au 17 décembre. Oui. Nous sommes et le 19. Et c'était resté imprimé à l'intérieur de toi un bien an profond. Plus tard. Mm-hmm. Donc voilà, j'assume ma tricherie. Donc mon exposition favorite qui ne fut pas en 2018, c'est celle de Sherry Boyle à la Galerie 3. Une expo qui était vraiment très, très riche, en fait, dont le propos, les œuvres, bien entendu, mais surtout le propos sous-jacent a été quelque chose qui m'a habité en fait, toute l'année. Donc, ça a été vraiment, vraiment mon coup de cœur des dernières expositions. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette expo-là autour de la table ou même les auditeurs. Donc, c'était l'exposition... Et on a Audrey qui opine... Oui, bien sûr. C'était une exposition où il y avait donc de la sculpture, il y avait des encres aussi sur papier, il y avait de la peinture, il y avait même des marionnettes. Je ne sais pas si vous vous souvenez un peu de l'ambiance. Sherry Boyle nous faisait entrer intensément dans un univers d'archétypes. Il y avait des clowns, il y avait les mimes, il y avait ces fameuses, ces marionnettes-là, ces pantins, des acrobates aussi beaucoup. Donc, un univers qui était empreint de sublime, de tristesse et de bonheur à la fois. Il y avait de la dérision, même de l'autodérision d'un certain sens, puisqu'elle traite du propos de l'artiste, de son rôle dans la société. Donc, elle s'inspirait d'un roman de Henry Miller des années 50, fin 50. Et puis, elle nous parlait justement du rôle de l'artiste dans sa propre vie, bien entendu, de son rôle dans la société en général, mais aussi de son rôle dans la communauté, dans la sphère artistique. Puis, cette expo-là m'a vraiment habitée. Elle utilisait l'iconographie, puis même la symbolique du clown, du mime, du théâtre kabuki aussi. Le théâtre japonais, en fait, qui est très, très, très excentrique. Un théâtre où même les hommes font les rôles féminins. Donc, vraiment, c'est un archétype assez fort du théâtre oriental que je connais peu, mais dont elle m'avait parlé. Puis, elle nous mettait vraiment, évidemment, en plein visage que, oui, l'artiste finit par se mettre volontairement, assurément, sur scène, puis que certains artistes même mettent beaucoup d'emphase sur le fait de, c'est ça, de mettre l'emphase sur eux-mêmes et sur leur travail en second. Donc, sur le contrôle de leur image. Ce que je trouvais beau, c'est qu'elle osait le dire, en faire un sujet, une partie du sujet central de sa recherche. Mais aussi, c'était plein d'amour, plein d'empathie. C'était pas du tout vraiment dénonciateur ou avec reproche. C'était plutôt vraiment, tu sais ça, une vision sur la réalité humaine, finalement. Parce que l'artiste, en faisant ça, fait la même chose que les individus font dans notre société contemporaine avec les réseaux sociaux. Donc, un contrôle vraiment de ce qu'on partage, une certaine projection qu'on veut donner et qu'on contrôle par nos choix, finalement. Donc, bref, oui, Sherry Boyle est une artiste établie qui a même déjà représenté le Canada à la Biennale de Venise en 2013. Mais au-delà de sa capacité vraiment impressionnante à transposer ses idées dans différentes... donc, en 3D, en 2D, avec toutes sortes de médiums. Donc, au-delà de ça, au-delà du fait de sa reconnaissance, de sa notoriété, vraiment, moi, j'aime cette artiste-là pour son propos que je trouve multi, qui est plein de couches et toutes les nuances qu'elle organise autour de ses idées. Puis je termine avec un extrait en fait du texte qui accompagnait l'exposition. Une vie consacrée à la production d'art est fondamentalement différente d'une vie passée à l'observer, à y penser, à l'interpréter, à l'acheter, à le sélectionner, à le consommer, à le rejeter ou encore à lire ou écrire à propos de celui-ci. Il semble qu'il n'y ait jamais eu un moment aussi propice pour remettre en question la valeur des arts dans un monde qui me paraît patriarcal, raciste, militaire, consumériste et irrespectueux de l'environnement. Un monde voué à la destruction. J'ai choisi de m'ouvrir pleinement à la curiosité, au réconfort et à la joie que d'autres artistes et formes d'art m'apportent dans ma vie. Je développe le « et romantique », un langage visuel qui illustre ouvertement ma perspective en tant qu'artiste, femme, citoyenne de mon époque. Donc, c'est une citation de Sherry Boyle qui accompagnait cette très belle expo qui a eu lieu en novembre-décembre 2017. mais un très beau témoignage de ton appréciation de cette exposition, Lauriane Thibodeau. Et Delphine, toi, on se transporte un an plus tard avec le grand écart de BGL qui, ma foi, a fait éclater les murs à la Galerie 3. Ben oui, absolument, avec une installation qui exploite l'espace de la galerie d'une manière tout à fait inattendue. Alors que les artistes investissent des salles qui habituellement sont pas du tout accessibles aux visiteurs et aux visiteuses de la Galerie 3, si je ne m'abuse. Alors, l'installation se présente comme une séquence de lieux qu'on peut traverser, parcourir successivement de différentes manières. Il y a l'espace d'abord où on observe avec un assez grand ravissement, dans mon cas, les pièces de monnaie qui glissent dans un réseau de gouttières transformées de telle sorte que ça rappelle un jeu d'arcade finalement avec les pièces de monnaie qui arrivent d'un espace qu'on peut pas tout à fait identifier au départ. Et on les voit donc glisser et se retrouver à différents endroits, parfois projetés dans une petite chaudière, parfois projetés au sol. On peut aussi par la suite pénétrer dans l'envers du décor, en coulisses un peu de la galerie principale, comme si on pénétrait dans les coulisses d'un théâtre ou d'une mise en scène, en quelque sorte. Et ces espaces-là sont perméables grâce à différents ensembles de stores qui sont imprimés pour imiter l'apparence que les murs avaient précédemment de part et d'autre, justement de ces nouvelles cloisons-là. Donc on a des stores qui sont avec des imprimés de briques et de l'autre côté, on devine un peu les murs blancs qui étaient là auparavant. Et finalement, on peut aussi se retrouver dans une zone de rassemblement autour d'un feu de camp, mais presque comme un espace occupé par des squatteurs. On pourrait imaginer que c'est un espace de cet ordre-là. Et moi, j'ai vraiment été fascinée par le fait de pouvoir parcourir ces différents lieux-là, les comprendre vraiment au fil de mon parcours. Et plus on avance, plus on est émerveillé, surpris à la fois par ce qui se construit, par ce qui se déconstruit, ce qui se révèle au fil de notre parcours. On était vraiment placé devant le ton ludique, le ton très humoristique qu'on connaît au trio BGL, mais on était vraiment devant cette création-là d'une magie, devant un jeu des apparences, un jeu de la mise en scène, devant tout le potentiel de cet univers un peu factice-là, mais en nous donnant à voir les dessous de cette mise en scène. Ça révélait toute la construction de cette image-là, parce qu'il y avait aussi les lumières, par exemple, de cet espace-là avec le feu de camp qui parfois s'allume, un peu comme à la fin. Moi, ça, aujourd'hui, j'y repensais à ça, puis ça me faisait penser à quand tu finis la soirée dans un bar, puis que les lumières s'allument, ça brise complètement la magie, puis tu te rends compte que tout est sale, puis finalement, tout est un peu laid autour de toi, là. Mais il y a comme cette rupture-là, ou ce moment-là de choc quand la lumière s'allume, puis que la magie disparaît. Puis ensuite, on est replongé de nouveau dans le noir, et on se retrouve autour du feu de camp de nouveau. Et on aurait pu penser que le fait de se retrouver devant les dessous, de voir la construction de ces espaces-là, ça briserait l'émerveillement, mais au contraire, moi, je trouvais que ça renouvelait cet émerveillement-là, de voir qu'on pouvait créer cette magie-là, créer ces espaces-là, un peu de folie, finalement. Et c'est pour ça, je pense que cette exposition-là m'a autant touchée, puis que j'y pense encore, même si ça fait déjà 3 semaines que je l'ai vue à Amrest. Oui, ben c'est ça, c'est une exposition qui nous étonne, puis c'est intéressant ce que tu dis. Il y a l'émerveillement, mais il y a aussi l'amusement de découvrir quel mécanisme les artistes ont mis en place pour leurs œuvres. Et ben tant qu'à parler de la Galerie 3, ben on a Audrey Carreau ici qui... en fait, j'avais envie aussi de prendre un petit moment pour souligner l'arrivée de nouveaux artistes cette année à la Galerie 3. Ça a été une très, très belle année pour la Galerie. Donc, en 2018, il y a Jean-Pierre Morin qui vient juste d'être annoncé là, il y a quelques semaines. Et Claudie Gagnon et... Il y avait aussi Cooksasville, oui, en début d'année également, là, après l'exposition qu'ils avaient faite pour ouvrir la programmation au début de 2018. Donc, trois belles nouvelles entrées pour la Galerie 3 en 2018. Et une autre nouvelle recrue de l'année, c'est Audrey Carreau. Ben oui, voilà. Une belle prise pour la Galerie. Et nous, on va partir en petite pause audio. Et au retour, on va se concentrer un peu sur le Musée national des beaux-arts du Québec et ce qu'ils nous ont proposé cette année. Ça a fait battre les cœurs de nos collaboratrices. Alors, pour la suite de nos coups de cœur de l'année, de toute l'équipe de l'aérospatiale, il y a Claire Dumoulin qui a vraiment flashé sur Mirage Blanc, qui est une exposition qui vient de commencer au Musée national des beaux-arts du Québec, commissariée par Maude Lévesque, qui sonde notre identité québécoise via le filtre de la nordicité, de notre expérience de l'hiver. Pourquoi cette exposition-là qui retient ton attention, Claire Dumoulin? Alors, c'est tout simplement parce qu'elle m'a vraiment... excitée. Hein? J'étais comme vraiment exaltée de découvrir le déploiement de l'exposition, la sélection d'œuvres aussi. J'adore, moi, quand les œuvres de différents mouvements, différentes époques, différentes aussi approches. Là, on a des œuvres de métiers d'art, on a de l'art inuit, des images anciennes, la photographie ancienne, des œuvres figuratives, des œuvres contemporaines, très abstraites, très formalistes. Quand tout ça se rencontre, je trouve ça vraiment exaltant. Et là, aussi, vu que Le thème peut paraître vraiment banal, là, l'hiver, mais c'est une saison qui fait tellement jaser au Québec. Hein? Alors, les tempêtes de neige, ça fait des belles anecdotes. Mm-hmm. Et puis, il y a tout un univers aussi au niveau du folklore, des loisirs. On les voit avec les images, c'est abordé avec les images anciennes de la collection. C'est du début du 20e siècle, là, devant le Frontenac avec les skis. C'est vraiment charmant. Mais ensuite, quand on voit des œuvres d'art contemporain qui n'abordent pas vraiment la nordicité. Alors, on leur donne, au fond, le thème de l'expo nous les montre d'une autre façon. Et là, moi, c'est ça que je trouve... Je ne sais pas si les artistes sont tous aussi exaltés que je l'étais de se retrouver dans une expo qui parle d'hiver alors que leur œuvre a toute une autre histoire. Oui, il y a comme le côté qui peut paraître un peu réducteur, qui peut être difficile à prendre pour... Ça réduit la complexité de l'œuvre, mettons. Ouais. Mais... Mettons que ça l'amène ailleurs. C'est une autre piste de lecture. Ouais, et c'est accepté que les œuvres d'art contemporain peuvent avoir plusieurs pistes de lecture. Ouais. Et c'est pas non plus regarder cette œuvre est bleu pâle, c'est comme la neige en hiver. C'est vraiment c'est une évocation poétique et qui donne bien de l'espace. Et voilà, j'ai vraiment aimé l'idée de se permettre en tant que commissaire là, qu'elle l'a fait. Et puis de le faire aussi de. Vraiment de décloisonner là, les courants artistiques, les périodes. Ça fait des rencontres vraiment intéressantes. Oui, il y a quelque chose de très libre, de très intuitif dans le travail de Maud Lévesque au commissariat, qui est quand même assez rafraîchissant aussi dans une institution muséale comme le Musée national des beaux-arts. Et il y avait Audrey aussi qui avait fait une mention spéciale dans ses coups de cœur pour cette exposition-là, Le Mirage blanc, mais aussi Fait main. Et tout le redéploiement des collections. Oui, ben il faut dire que le musée s'est beaucoup renouvelé en 2018, on se le cachera pas aussi, mais a eu, je trouve, des expositions extrêmement touchantes aussi qui viennent nous chercher. C'est sûr quand on est amateur d'art contemporain, mais Mirage blanc, si je peux rebondir sur ce que Claire disait, c'est que ce que j'ai vraiment aimé, c'est il y a cet aspect intuitif, plus émotionnel, mais il faut dire, Maud est à la base une artiste. Elle n'a pas une formation d'historienne de l'art comme les autres conservateurs au musée. Donc, son approche est différente aussi. Puis, moi, ce qui m'a beaucoup marqué dans cette salle-là et qui, je trouve, donne le ton, porter attention à la magnifique œuvre de Micheline Beauchemin à l'entrée, l'œuvre textile qui est d'où là. Provient le titre qui de est une grande dame de l'art, là, québécois, on ne se le cachera pas, mais elle est là, elle donne le ton par la matérialité de cette œuvre-là. C'est une œuvre textile, donc il y a une texture un peu comme les foulards peuvent l'avoir, les mitaines, les tuques. Il y a la couleur aussi, parce que ça regroupe à peu près toutes les couleurs qu'on retrouve dedans. Puis il y a cette brillance-là aussi, ce scintillement. C'est iridescent, donc ça miroite de différentes couleurs. Un peu comme l'approche de l'exposition, d'aller faire miroiter les œuvres de leurs différentes nuances, de leurs différentes couleurs. Donc c'est ça. Fait que moi, je trouve ça super intéressant comme proposition, parce que ça nous amène ailleurs. On est plus dans l'expérience plutôt que dans l'intellectualisme ou le conceptualisme aussi. Donc, moi, j'adore aussi quand on peut vivre quelque chose, vraiment, que l'art nous amène à vivre des choses concrètement aussi. Mais Fait main, c'est sûr que pour moi, ça a été une exposition incontournable de l'été qui a permis à, je le rappelle aux auditeurs, là, qui était une exposition sur les métiers d'art, l'artisanat ou ces choses-là, mais contemporains, comment les artistes contemporains ont réinterprété ces éléments-là avec des propos tout à fait actuels. Et ce que j'appréciais beaucoup, c'est que c'était une exposition extrêmement accessible pour le public. Puis surtout, c'était audacieux de mettre ça en été, mais qui était tout à fait bien choisi, je pense également, aux côtés de Berthe Morisot, à côté, qui était plus classique, quoi qu'on découvrait aussi cet artiste-là. Là, vraiment, ça a été une belle découverte pour bien des gens, je pense, pour nous montrer comment une artiste femme est aussi importante, a été aussi importante, mais qu'on a mis de côté. Mais Fait main, de l'autre côté, venait nous ouvrir la porte à l'art contemporain, je trouve, mais de manière tout à fait très proche, justement, parce que ça nous rappelle, par exemple, une œuvre textile nous rappelle des choses que notre grand-mère a pu faire ou notre mère a pu fignoler, mais il y avait vraiment là quelque chose de très riche, un panorama aussi très diversifié d'œuvres. Alors, moi, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Puis, le redéploiement des collections, comment rafraîchir un musée? Aller au Musée national des beaux-arts du Québec, vraiment, aller voir ces collections-là qui, moi, je les ai vues, n'avaient pas été relookées ou revampées depuis 2001, quand même. Là. Fait que ça prenait ça, mais on peut se vanter à Québec, honnêtement, d'avoir l'un des plus beaux musées au Québec à

Alors, avant la pause publicitaire, on vous a promis quelques mots de Delphine sur Berthe Morisot, parce que c'était vraiment une belle expo, Delphine. Bien, quelques mots, parce que je voulais simplement saluer un peu le fait que cette exposition-là permettait une relecture féministe de la carrière de Morisot, oui. La remettait dans son contexte et pouvait resituer, je dirais, toute son importance, sa singularité et son audace à l'époque où il y avait très, très peu de femmes qui pouvaient mener une carrière d'artiste parce que le contexte même ne favorisait pas du tout l'émergence d'artistes femmes. Et c'est une exposition de cette ampleur-là, ça faisait plusieurs décennies qu'il n'y en avait pas eu. Et on pouvait donc observer une cinquantaine d'œuvres de cet artiste-là. Alors, je voulais simplement saluer cette initiative-là et l'exposition qu'il y avait eu cet été au MNBAC. Oui, donc une très, très belle occasion d'aller voir en personne des œuvres qu'on n'a pas souvent l'occasion de voir en personne et qui prennent une ampleur incroyable quand on en fait l'expérience. Et il y a le Centre Materia également qui a fait battre très, très fort les cœurs de trois de nos collaboratrices, donc Marie-Claude, Myriam et Audrey, qui ont choisi de sélectionner, parce que c'est une sélection qui est très, très difficile à faire, de choisir un coup de cœur pour l'année 2018. Audrey, on était déjà un peu au courant de ton coup de cœur parce que la chronique que tu nous avais donnée de cette exposition était enlevante. Mais Myriam et Marie-Claude vont également nous partager leur coup de cœur. On pourrait commencer avec Marie-Claude. Tiens, donc Bivouac, La bataille des fourreaux, qui était un duo. Qui était un trio. Un trio. Oui. Zut. C'est qui que j'ai oublié. Oui. Donc l'exposition Bivouac, La bataille des fourreaux, qui a été présentée à Materia pour la rentrée culturelle en septembre. C'est une exposition qui récupère les œuvres d'Isabelle Demers, d'Anouk Desloges et d'Émilie Proulx, trois femmes artistes qui ont pratiqué à Québec pendant un certain moment. Maintenant, Isabelle est toujours à Québec, Anouk est plutôt à Toronto et Émilie reste maintenant à Montréal. Donc, j'ai sélectionné cette exposition-là vraiment pour la diversité de la proposition et en fait, on se promenait vraiment là, dans un lieu poétique où, et mystérieux où on pouvait être face à des œuvres vraiment diversifiées par rapport aux matériaux. Donc, il y avait de la céramique, du dessin, plusieurs œuvres textiles. On y trouvait aussi quoi d'autre? Il y avait des temples. C'était un travail d'ambiance aussi. Oui, vraiment. C'est vraiment comme un parcours, comme si on était dans un conte pour enfants. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé cette expo. Puis, j'ai une mention spéciale pour l'œuvre textile d'Émilie Proulx. Émilie qui travaille principalement la broderie, très souvent sur Canva brut. Donc, un travail vraiment fin. Et puis, l'œuvre « Je vous prie de passer par la pinède », une pinède qui est une forêt de pins. Donc, mm-hmm. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé cette œuvre-là. C'était la cape, ça, je pense. C'est la cape, oui. Elle était magnifique, cette œuvre-là. Vraiment. Oui, vraiment saisissante. C'est une œuvre textile. C'est vraiment un volume dans l'espace qui prend la forme d'une cape. Donc, composée de tulle blanche. Oui. Oui, la tulle qui est comme pour faire les tutus. Les robes de mariée. Et en dessous de cette tulle-là, il y avait une pièce de coton qui était brodée vraiment délicatement, sur laquelle on retrouvait des éléments qui ont été choisis pour leur symbolique. Donc, il y avait une pinède, dont le rapport avec le titre, un renard, une lune, une main qui semblait tenir la lune et un serpent. Donc, c'est parce qu'il y a beaucoup de narrativité dans le travail d'Émilie avec peu d'éléments. C'est ça que moi je trouve remarquable dans son travail. Puis c'est la manière très. L'approche très contemporaine de traiter la broderie, finalement, qui est souvent un art très associé au décoratif, associé à la femme, bien sûr, là, quand on pense plus en arrière de nous, mais c'est qu'il y a quelque chose de très narratif et de très touchant, très proche de nous, très humain dans son travail. Moi, c'est ça que j'aime beaucoup chez lui. Oui, c'est un travail qui est vraiment très personnel, ces éléments-là qui sont choisis. Qui est personnel, mais à la fois aussi ouvert, qui nous touche exactement. Aussi. Il y a quelque chose d'universel, si je peux dire, des fois, ou en tout cas du moins, qui est proche de notre rapport à tous aussi, là, quand on les regarde. Là. Et oui. Oui, ben en fait, ce que je voulais dire, c'est que cette œuvre-là, donc elle voulait. J'ai parlé avec Émilie aujourd'hui, puis on parlait de cette œuvre-là et elle me parlait vraiment de la représentation du fantôme pour parler de présence, de non-présence, puis ça, je trouvais qu'on le sentait vraiment bien. C'est une œuvre assez forte et poétique qui parlait aussi du souvenir. Donc. Ouais, donc c'est ça, efficace pour faire ressentir ce que l'artiste cherche à nous faire vivre au travers de cette expérience-là. Donc la très belle œuvre de la très belle exposition Bivouac, la bataille des fourreaux qui était présentée au Centre Materia. Et du côté du Centre Materia, il y a également l'exposition d'Ito Laila Le François qui a retenu la mémoire, qui a imprimé la mémoire de Myriam Leland. Pourquoi cette exposition-là? En fait, je pense que c'est la première exposition que je me suis permis d'aller voir en 2018, puis elle m'a vraiment frappée. C'était monumental, il y avait tellement de petits détails, les techniques étaient assez variées, il y avait de la poterie, du tricot, de la fourrure, des plumes, puis c'était très, très humain pour, à défaut de trouver d'autres termes, là, on tombe souvent dans les mêmes termes quand il est question de sensibilité, mais c'est ça, j'ai trouvé que c'était très humain, j'avais l'impression d'entrer dans l'intimité de quelqu'un, mais qui était... un peu pour reprendre tes termes, Audrey, qui était assez universel, sans pouvoir mettre de mots dessus. C'était très narratif, justement, mais on pouvait se faire un peu notre propre histoire. Mm-hmm. Pour préparer l'émission, je suis retournée lire un petit peu un petit résumé de l'exposition, puis c'est drôle, mais je reconnaissais pas, en fait, l'exposition que j'ai vue dans cette définition-là. Chaque personne vit l'expérience qu'elle vit dans l'exposition. Ouais, hein? Ben, puis en fait, c'est ce que j'ai trouvé formidable, c'est que en lisant le résumé, même si je le reconnaissais pas, dans mon expérience, c'était tout à fait... exact, ou plutôt, c'était plausible, c'était une explication qui en valait une autre, mais ça ouvrait tellement à d'autres possibilités, justement, puis j'aime beaucoup ces expositions-là, ces œuvres-là qui offrent un peu aux spectateurs de s'abandonner, puis de laisser aller sa propre créativité dans la créativité de l'artiste. Des œuvres ouvertes, comme dirait Umberto Eco. Oui, c'est exactement ça. On ne peut pas trouver de meilleurs termes que ça. J'ai adoré cette exposition-là. Ben, moi, je dois avouer que je ne l'ai pas vue, donc tu m'intrigues beaucoup avec ton appréciation. Et encore du côté de ma... Encore du côté de Materia, il y a Audrey qui c'était dur à cacher son coup de cœur parce que moi j'ai assisté à sa chronique, comme je disais tout à l'heure, qui était assez enlevante de l'exposition de Lindsay Montgomery qui était Neo Historiato. Oui, Neo Historiato. Donc une exposition qui présentait des céramiques et on est encore dans quelque chose de très très narratif là. Tout à fait. Puis encore une fois, une manière de renouveler un certain vocabulaire ancien, mais une manière très, très contemporaine. Lindsay, pour vous rappeler, elle faisait notamment dans l'exposition, il y a des sculptures, oui, en céramique, mais il y avait particulièrement toute une série d'assiettes qui nous faisaient penser à des assiettes de la porcelaine chinoise. D'ailleurs, elle avait été faire récemment une résidence en Chine aussi, où elle avait produit certaines des pièces qu'on retrouvait là, mais c'est tout ce langage de l'assiette céramique qui est renouvelé, qui nous présente à la fois des histoires très contemporaines, mais avec un vocabulaire quasi médiéval, très naïf aussi, mais qui parle de notre contemporanéité. Tu sais, il y avait une œuvre qui était White Women Elected Trump. Mm-hmm. Tu sais, mais finalement, c'est des femmes qui sont dans une espèce de mer en train de brûler, finalement. On avait une assiette sur Harvey Weinstein, ce producteur hollywoodien, justement, qui a déclenché tout le mouvement hashtag moi aussi, donc MeToo. Fait que, tu sais, c'est des œuvres qui nous parlent aussi, mais qui à la fois peuvent s'apprécier même avec un regard plus ancien également aussi. Tu sais, on aurait pu penser à des vieilles histoires médiévales qui sont là, mais qui mélangent à la fois aussi le tarot, l'ésotérisme, les légendes, les contes, même, on pourrait même dire certaines imageries aussi reliées à la cartographie ancienne également, mais tout ça traité d'une manière fantastique, puis en tout cas, moi qui m'a émerveillée, je pense que je suis allée voir 3 ou 4 fois l'exposition avec des amis, puis il y en a d'autres que je connais autour de moi qui ont été plus souvent que ça, mais c'est vraiment une belle découverte que j'ai trouvée, puis c'est une artiste un peu comme, Lauriane le disait en début, Sherry Boy, mais elle a côtoyé Sherry Boy, puis on sent un petit peu de cette influence-là dans son travail, mais aussi dans la diversité. Elle fait des marionnettes, elle aussi. Elle en a fait, elle fait la sculpture. Donc, il y a des beaux rapprochements aussi à faire entre ces deux artistes-là. Oui, tout à fait. Puis moi, ce que je trouve fascinant avec leurs approches respectives, c'est qu'elles prennent l'iconographie, oui, de la céramique, mais... Justement, elles empruntent au passé pour parler même du futur, tu sais, de ce qui s'en vient d'une certaine façon, chacune à leur façon. Elles sont vraiment en train de figer un petit moment là, puis elles allient, c'est ça, elles allient savoir-faire pour tout simplement leurs propos sans être figées là, dans des technicalités. Là, c'est vraiment... Oui, puis il y a quelque chose de féminisme aussi, de féministe dans ce langage-là aussi, tu sais. Donc vraiment, c'est très, puis ça parle de la femme, mais à différentes, à la fois dans une époque, une imagerie plus ancienne, mais qui nous parle d'aujourd'hui. En tout cas, bref, si vous ne l'avez pas découvert, allez voir son site web, c'est magnifique. Et on parle de féminisme, on ne peut pas parler de féminisme sans parler d'égalité homme-femme. Ah. Et Audrey, tu as triché un peu dans ton coup de cœur, tu as décidé de faire un coup de cœur paritaire pour cette édition de la revue de l'année. Et ton coup de cœur du côté des artistes masculins, c'est Antoine Nessy qui présentait en tout début d'année à L'Œil de Poisson. C'était le résultat d'une résidence. Exactement. Dans le fond, j'aime toujours, quand c'est le temps de faire cette revue de l'année-là, de vraiment retourner au début de l'année, parce que souvent, on oublie qu'est-ce qui a été fait. Puis, c'est ça, je me suis dit, voilà, soyons paritaires, trichons un peu, comme Lauriane le fait. Elle a été cherchée ailleurs. Moi, je me suis dit, je vais avoir deux coups de cœur. Puis Antoine Nessy, je dois quand même le dire, j'ai eu l'occasion de travailler avec lui aussi en début d'année. Donc, j'ai suivi ce projet-là, comment il s'est développé, cette résidence qu'il a faite à l'œil, mais ce qui m'avait beaucoup. Puis je sais que cette exposition-là avait été très bien reçue aussi au sein du milieu, mais pour vous rappeler, Antoine Nessy, donc cette expo-là s'appelait « Le travailleur temporaire et la machine enchantée ». Donc déjà là, quelque chose d'assez poétique, évocateur comme titre. Antoine, c'est un sculpteur. Là, on retombait vraiment dans la sculpture pure et dure en métal. Bref, il a travaillé très, très fort à l'atelier de métal de L'Œil de Poisson. Puis c'est une exposition qui traite de manière vraiment très juste du travail aujourd'hui, de notre rapport au travail, de ces ambiguïtés aussi, de ce mélange entre différents mondes. Puis il y avait vraiment ça qui se reflétait concrètement dans l'œuvre en soi, qui était un amalgame de plusieurs milieux ensemble, à la fois le milieu agricole, industriel, technologique. Et le métro. Et le métro, exactement, les transports en commun. Bref, c'était super intéressant. Puis il y avait un très beau texte aussi que l'artiste avait rédigé, qui était accroché au mur, puis qui nous donnait aussi des pistes de réflexion, qui était un récit en même temps, aussi un peu futuriste, mais un futur qui serait pas si loin de nous finalement. Mm-hmm. Et ça, c'était quand même une fiction qui, moi je trouve, était très parlante par rapport après ça à ce qu'on voyait devant nous, parce que finalement c'était une grande sculpture, puis il y avait des petites sculptures au mur, mais ce qui attirait notre attention, c'était cette grande sculpture qui était là, qui était comme finalement à la fois, comme tu disais, gentil, oui, nous faisait penser au métro ou à l'autobus avec ses gants où on peut s'accrocher quand on se tient debout. Mais aussi aux étables. Mais aux étables, parce qu'il y avait comme toutes ces espèces de ports où on pouvait mettre les animaux, le bétail, là, les vaches, par exemple, qui sont toutes séparées là. Il y avait des caméras de surveillance qui étaient là, mais qui ressemblaient un peu à... Tu Artie le robot, là, ce fameux film, là, Cœur-Circuit, là, justement. Moi, je trouvais que ça me faisait penser à ça aussi, à un moment donné, cette genre de caméra de surveillance-là. Puis il y avait comme un œuf, des bancs. Enfin, c'était un bel amalgame, mais qui avait une portée, je trouve, symbolique très, très forte. Puis en lien aussi avec le texte, cette fiction très futuriste, mais comme je dis, très près de nous en même temps aussi. Mm-hmm. Ben, ça réfère au vécu de manière très abstraite ce vécu qu'on a dans le transport en commun ou des éléments comme ça qui nous qui est proche de notre expérience quotidienne, mais qui en même temps est quelque chose de décalé, d'ambigu aussi, mais qui nous fait réfléchir sur ce que pourrait être l'avenir aussi. Fait qu'enfin, puis je sais que ça avait marqué beaucoup de gens, cette exposition-là en début d'année, donc c'est ce pourquoi je tenais à la souligner ici ce soir. Mais merci beaucoup, Audrey Caro. Nous, on va prendre une petite pause audio avec un extrait de la pièce Wacky Games, toujours de Unconceptual. Donc, de retour à l'aérospatiale avec 7 collaboratrices en studio pour nous parler de leur coup de cœur. Et maintenant, c'est au tour d'Anne-Sophie. Anne-Sophie Homer, tu nous présentes également un ex-aequo avec Léna Mille-Royard qui avait présenté à la bande vidéo en tout début d'année, si je me souviens bien. Oui, c'est ça, en mars 2018. Alors, comme d'habitude, le choix de l'année, c'est quand même tellement compliqué. On en a à peu près 50 des coups de cœur, mais au moins, il faut choisir parce qu'on a quelques minutes. Alors, moi, je suis partie sur Misère de Léna Mille-Royard, donc effectivement, qui était présentée en mars 2018. J'en ai fait quelques-unes des expositions à la bande vidéo cette année, puis j'avoue que leur programmation était assez forte. On a vu vraiment des belles choses et c'était assez souvent participatif, notamment cette œuvre-là. Mm-hmm. Tu l'as fait aussi? Tu l'as vu? Oui, l'expérience de cette œuvre-là était assez intéressante parce que... Tu marches sur l'eau? On avait cette sensation de perdre la traction terrestre, de perdre la lourdeur de notre corps. On se sentait comme un petit peu en suspension pendant un certain moment, puis il y avait quelque chose de magique. C'est ça, on peut rappeler un peu comment c'était. On rentre dans une pièce qui est quand même plongée dans le noir, et puis au sol, on a des miroirs, mais des miroirs qui étaient relativement mous, puisqu'on pouvait marcher dessus, puis ça se déformait. Mais finalement, ça déformait l'image, ça déformait la projection, puisqu'il y avait une double projection. Donc le reflet de la projection. Et des montagnes, c'était, on va dire, une double projection. Et effectivement, vous vous déplaciez devant ce paysage qui était en mouvement et vous étiez dans une ambiance, permettait d'être dans une bulle comme en vacances, c'était vraiment formidable. Très très poétique l'univers de Léna Mille-Royard. Oui, vraiment, vraiment. On n'avait pas envie de repartir et puis on faisait partie de cette œuvre avec notre ombre, avec nos mouvements. Si on attendait assez de temps, on avait je crois qu'il y avait une personne qui marchait sur la plage. C'était vraiment extrêmement poétique. Une œuvre très très lente, très contemplative aussi et qui nous permettait de la manipuler en quelque sorte. Et ton autre coup de cœur avec ses cours, c'est les passages insolites. Alors, les passages insolites, pourquoi? Mais bon, d'accord, le choix est large. Quel est ton coup de cœur à l'intérieur des passages insolites? Non, là, tu triches. Là, tu triches, je suis allée exprès large pour ne pas avoir à faire de favoris. C'est ça. Mais en fait, c'est vrai que je trouve que cet événement, chaque passage insolite, en fait, c'est toujours de belles surprises parce qu'on est dans notre ville, on se balade, on la connaît, on court, on marche, on balade le chien, peu importe, et on découvre systématiquement encore... la ville sous un autre angle. Les heureux naufragés, par exemple, de Fanny Ménard et Isabelle Demers, ces animaux turquoises posés sur une île, vous, la première fois que vous marchez, puis vous oubliez que vous êtes, il y a passé un insolite, vous tournez la tête et vous dites, ah oui, c'est vrai. Parce qu'effectivement, c'est sorti du contexte, comment dire, de l'eau, du port, et vous avez ces personnages, ces animaux peints dans des couleurs complètement folles. Oui, le monochrome donne un effet un peu ahurissant. Exactement. Mmh. Et puis, je sais que moi, j'aimais aussi surprendre les passants, le regard des passants, par exemple, sur la rue Saint-Paul, Alouette, ce premier satellite canadien qui est tombé sur une voiture. Puis les gens étaient vraiment surpris, les gens s'arrêtaient, faisaient des égoportraits. Se mettait à côté de la voiture. Le coup de cœur du public, je pense. Ah, je pense que. Moi, je suis allée manger au resto en face, puis les serveurs étaient plus capables. Ah, ouais, non, mais je comprends. Mais c'est ça, c'est que c'est vraiment l'ensemble. Il y a même ces poteaux roses après, un peu plus loin, puisque là, on est dans un duo entre qu'est-ce qui est moche, qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce que. On aime ce rose, mais oui, mais c'est des poteaux de construction, qu'est-ce qu'ils font là, au milieu des arbres. Oui, mais finalement, j'aime bien. Oui, mais pourquoi? Et on se pose tellement de questions en se baladant. Ouais. Je me souviens plus de qui était cette œuvre. C'est un collectif, je pense, d'étudiants en architecture, quelque chose comme ça. Et merci beaucoup d'avoir partagé tes deux coups de cœur avec Sequo. Marie-Claude, tu avais envie aussi d'avoir un coup de cœur événement, donc de parler de ta rencontre avec les artistes dans le cadre de la 5e foire en art actuel de Québec. Oui. Et un artiste en particulier aussi, je pense. En fait, j'avais envie vraiment de faire un coup de cœur événement concernant cet événement-là. Qui avait lieu dans la chapelle des Jésuites cette année, donc où il y avait plus de 20 artistes présentés. Donc, la rencontre avec les 4 artistes, vraiment en formule 5 à 7. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé cet événement-là. C'est la première fois que je participais. Donc, cette année, il y avait Gwenaëlle Bélanger, Marie-Faux Bélanger, Pierre Durette et Isabelle Guimond. Puis, j'ai trouvé que c'était vraiment l'occasion là, de faire des découvertes, avoir des précisions concernant le processus de création des artistes. Et d'avoir comme une autre vision des œuvres qui étaient présentées. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment enrichissant. Puis, puisque c'était la première fois que j'y assistais, j'avais vraiment envie de vous le partager. Et une étoile à l'artiste gaspésien Pierre Durette pour sa dynamique présentation. Je connaissais pas cet artiste-là, mais je l'ai vraiment trouvé très intéressant pour son authenticité, l'ensemble de sa personnalité. Je sais pas si vous avez assisté à sa présentation, mais donc c'était très généreux et rafraîchissant. Donc voilà. Et Claire, tu avais également envie de partager un coup de cœur événement? C'est le spectacle Tomate. les micros se déplacent dans le studio. Donc, le spectacle Tomate de l'Orchestre de Morchestre. Moi, je ne l'ai pas vu. Est-ce que tu peux nous en glisser quelques mots et nous dire pourquoi c'est vraiment ton coup de cœur de 2018? C'était extraordinaire. J'ai pas encore tout compris, les multiples couches de sens, mais ça m'a habité longuement. C'était complètement transformé. Alors, on dit que c'est un opéra épique indiscipliné. C'est exactement ça. Alors, il se passe tellement de choses sur la scène. Les performeurs sont captifs de leur décor, de leurs accessoires. Il y a de la musique, il y a du conte traditionnel, il y a des revendications puisqu'on récite un texte du comité invisible. Il y a de la critique sur les structures de capitalisme de la société. Donc, c'est très, très dense. Et il y a du clavecin. Et en plus, on va au niveau, c'est très inventif, au niveau de, pendant tous les gestes, ils sont en train de filmer au fond le dernier acte, donc le dernier acte se déploie sous nos yeux sans qu'on s'en rende compte, donc c'est plein de surprises, c'est très habile, c'était un peu apparenté avec le spectacle Entrée, nous sommes ouverts, qui était en février 2017, mm-hmm. du bureau de l'APA, alors une autre gang, mais quand même, beaucoup d'affinités dans la manière, et puis vraiment, l'Orchestre de Morchestre, on les découvre souvent où tu vas quand tu dors en marchant, où ils ont fait des interventions publiques avec leur camion bleu, et tout ça, mais c'était une réinvention, vraiment, c'était fabuleux. D'une transdisciplinarité et d'une interdisciplinarité assez fabuleuse. Oui. Je pense que Thomas, t'es présenté à Montréal là, très prochainement. J'ai vu ça sur Facebook. Donc, ceux qui voudraient aller faire un petit voyage à Montréal pour voir Thomas, le temps file. Je vais y aller avec mon coup de cœur à moi. Mon coup de cœur, c'est l'exposition « Les falaises se rapprochent » d'Anne-Marie Proulx qui était présentée à la Galerie des arts visuels. Donc, c'est une exposition qui m'a beaucoup touchée. C'est vraiment une exposition qui nous plonge dans le territoire où les corps et les territoires sont rapprochés via les photographies, mais également dans toute la poésie du vocabulaire innu, de ses significations. Il y a vraiment une parole intime, un dialogue qui est ancré dans la culture innu, qui nous fait découvrir avec un point de vue interne, avec ces enregistrements audio qui étaient captés et qui étaient diffusés de part et d'autre là, dans les quatre directions à l'intérieur de la pièce. Et la mise en espace de cette exposition-là qui encourage le dialogue entre les œuvres, les mots, les images, mais également qui offre vraiment une lecture sensible de la culture innu, de la rencontre que l'artiste fait avec cette culture-là. Donc une très très belle sensibilité évidemment dans la contemplation, tout à fait dans mes cordes, et souligner également le raffinement des matériaux que l'artiste a utilisé. Il y avait vraiment un souci du détail qui était très, très beau. Et puis, j'aimerais qu'on passe aussi, il y en a quelques-unes qui m'ont proposé des suggestions de sorties pour les fêtes. Claire Dumoulin, tu avais une suggestion de sortie pour les fêtes en famille? Oui, une exposition, donc Mon sosie à 2000 ans au Musée de la Civilisation. Oui, que j'ai pas vu. Alors, c'est un photographe qui découvre des sosies donc dans la rue, et là il fait un parallèle avec des sculptures gréco-romaines anciennes. C'est vraiment vraiment fantastique, et puis c'est très familial, je vous le recommande. Donc on va terminer avec ces suggestions là. J'ai pas le temps de remercier toute l'équipe de l'aérospatiale, mais je le fais sans les nommer, avec beaucoup d'amour, et on va se revoir en 2019 pardon, et on va laisser les ondes à Jacques Gignac qui sont équipe, pas Jacques Gignac. On remercie Jacques Gignac. Le temps file vraiment. On remercie Jacques Gignac pour son implication à la mise en onde pour toute l'année, et on laisse les ondes à Pierre Blais. Je me suis trompée de ligne dans ma petite feuille. Pour qui va parler cinéma avec ses chroniqueurs, ses chroniqueuses à Situation Critique. Au revoir pour la pause et à l'année prochaine. Bye. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. Louis, sur ta liste de cadeaux de Noël, t'as écrit un scooter. Un scooter bleu. OK. Une petite maison à Saint-Tropez. Ben oui, à Côte d'Azur. Puis un cheval. Un cheval. OK. Puis là, à la fin, t'as juste écrit Vegas avec plein de points d'exclamation. Vegas. Mais là, c'est parce qu'on avait dit 20$ max pour les cadeaux. Ben oui, mais Nadine, ça, c'est ma liste au cas que... Quoi que quoi? L'Auto 649 a tiré 5 lots garantis d'$1 million au super tirage du 22 décembre. Avec ça, les cadeaux risquent de prendre une pas pire coche. L'Auto 649, 18 ans et plus. Pour le temps des fêtes, redécouvrez la 3e avenue dans le vieux Limoilou. L'avenue commerciale la plus trendy à Québec. Une présentation de la SDC 3e avenue. À découvrir sur la Fabrique culturelle. Devant ces merveilles, oublions un moment notre mémoire surchargée. N'aimons plus, ne contemplons plus les choses qu'à leur endroit particulier. Paul-Émile Bourdua, le refus global. En même temps, l'anniversaire de Refus global était comme l'occasion de revisiter son œuvre et de ramener tous ces documents, le contexte dans lequel il a vécu. Tous les talents d'ici, une seule adresse, lafabriqueculturelle.tv. À la librairie Pantoute, les livres sont testés sur des libraires. Ce mois-ci, Vicky de la succursale du Vieux-Québec vous suggère Jefferson de Jean-Claude Mourlevat aux éditions Gallimard Jeunesse. Jefferson, jeune hérisson à la vie tranquille, est accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis. Notre improbable héros devra rétablir sa réputation en menant une enquête qui l'entraînera au pays des humains. Un roman chargé d'aventure, un récit aussi intelligent que captivant qui questionne notre relation avec les animaux. Paul Albert de la succursale de Saint-Roch vous propose « Une histoire du monde en 100 objets », un ouvrage collectif piloté par l'historien Neil McGregor. Né d'un défi lancé par la BBC,